ans est décédé suite à ses blessures. Trois autres personnes sont toujours en réanimation. Pas certain de pouvoir faire confiance aux Russes et à Vladimir Poutine. Les mots de Barack Obama hier, le président américain s'est exprimé au Pentagone après une réunion de travail avec ses conseillers militaires. Il a critiqué la coopération militaire russe avec la Syrie. Il a aussi évoqué les attentats de Nice et d'Orlando et a répété sa détermination à venir à bout de l'État islamique. Le sud et l'île de Beauté en alerte rouge incendie ce week-end. Des vents forts sont prévus, mais problème, l'ensemble des bombardiers à eau, les Canadairs, sont cloués au sol pour des vérifications après un incident lundi soir. Les résultats de l'expertise devraient être connus aujourd'hui et détermineront la reprise rapide des vols ou non. On termine avec du sport. Céline Dumerc, forfait pour les Jeux Olympiques. La meneuse des basketteuses françaises est touchée à la cheville. Les Bleus vont devoir faire sans leur leader durant la compétition. Et puis le retour d'un amoureux de l'OM à Marseille. Florian Thauvin, officiellement marseillais, de retour sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Les médias parlent de 11 millions d'euros. T'as annoncé quoi comme temps du côté de Lyon, Jules? Du côté de Lyon, tu te souviens ou pas? On prend ta petite météo. Temps. Alors la majorité, nanana, on a encore de la pluie sur l'est et de la grisaille sur le nord et l'Auvergne cet après-midi, du soleil. Hein. Bah, du côté de Lyon, j'ai dit qu'il faisait beau. Ah, bah, c'est le déluge à Lyon. C'est le déluge. C'est le déluge. Ah, ouais. Chocolates, on a vu ton petit message qui nous dit c'est le déluge du côté de Lyon. Ouais, en même temps, c'est pas de ta faute. Hein. Moi, je suis sur la météo et du côté de Lyon. Grand soleil, belles éclaircies. On est d'accord. Donc, dites-nous les. C'est ce qu'on essaie. Et désolé les Lyonnais, hein, mais ouais, c'est ce qu'on lit nous en tout cas. Hein, du côté de Météo France. Voilà, du côté de Météo France. Donc en tout cas, si c'est le déluge, bon, on vous souhaite bon courage. Et notamment à toi, Chocolates, qui nous a envoyé ce petit message sur l'appli Skyrock FM. Jules, retour demain matin. Ouais, à demain. Entre 6h et 9h sur Skyrock. Et puis la roulette aussi à faire tourner. Là, on vous attend 7-20-20. Vous envoyez roulette dès maintenant avec la compile Planète Rap 2016 à gagner. Et l'enceinte Monster Backfloat, là, 7-20-20. Vous envoyez roulette dès maintenant. Et là, où l'une d'entre vous fait tourner dans la demi-heure, 8h32. L'horoscope aussi arrive et Calvin Harris avec Rihanna tout de suite. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.